Les Confessions de Saint Augustin, mort au 1864. Livre 5e. Augustin a 29 ans. Il se dégoûte des doctrines manichéennes à l'âge de 29 ans. Il va à Rome, puis à Milan pour enseigner la rhétorique. Ayant entendu Saint Ambroise, il rompt avec les manichéens et demeure catéchumène dans l'Église. Recevez le sacrifice de mes confessions, cette offrande de ma langue, formée, excitée par vous à confesser votre nom. Guérissez toutes les puissances de mon âme, qu'elle s'écrie, Seigneur, qui est semblable à vous, psaume 34, 10. Celui qui se confesse à vous, ne vous apprend rien de ce qui se passe en lui, car votre regard ne reste pas à la porte d'un cœur fermé, et votre main n'est pas repoussée par la dureté des hommes, votre miséricorde ou votre justice la rompt, quand il vous plaît, et personne ne se peut dérober à votre chaleur. Psaume 18, 7. Que mon âme vous loue pour vous aimer, qu'elle confesse vos miséricordes pour vous louer. Votre création est un hymne permanent en votre honneur, les esprits, par leur propre bouche, les êtres animés et les êtres corporels, par la bouche de ceux qui les contemplent, publient vos louanges, et notre âme se réveille de ses langueurs, elle se soulève vers vous en s'appuyant sur vos œuvres, pour arriver jusqu'à vous. Artisan de tant de merveilles, là, et sa vraie nourriture, là, sa véritable force. Chapitre 2. Où fuit l'impie, en fuyant Dieu? Où vont, où fuient loin de vous ces hommes sans repos et sans équité? Vous les voyez, votre regard perce leurs ténèbres, laideur obscure qui fait ressortir la beauté de l'ensemble. Quel mal ont-ils pu vous faire? Quelle atteinte portée à votre empire qui demeure dans sa justice et son inviolabilité du plus haut des cieux au plus profond des abîmes? Où ont-ils fui, en fuyant votre face? Où pouvaient-ils vous échapper? Ils ont fui, pour ne pas voir celui qui les voit, pour ne vous rencontrer qu'étant aveugle. Mais vous n'abandonnez rien de ce que vous avez fait. Sagesse 11, 25. Les injustes vous ont rencontrés, pour leur juste supplice, ils se sont dérobés à votre douceur, pour trouver votre rectitude et tomber dans votre âpreté. Ils ignorent que vous êtes partout, vous, que le lieu ne comprend pas, et que seul vous êtes présent même à ceux qui vous fuient. Qu'ils se retournent donc et qu'ils vous cherchent, car pour être abandonnés de ces créatures, le Créateur ne les abandonne pas. Qu'ils se retournent, et qu'ils vous cherchent. Mais vous êtes dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui vous confessent, qui se jettent dans vos bras, qui pleurent dans votre sein au retour de leur pénible voix. Père tendre, vous essuyez leurs larmes, et ils pleurent encore, et ils trouvent leur joie dans ces pleurs, car, ce n'est pas un homme de chair et de sang, mais vous-même, Seigneur, qui les consolez, vous, leur Créateur, qui les crée une seconde fois. Et où étais-je, quand je vous cherchais? Et vous étiez devant moi, mais absent de moi-même, et ne me trouvant pas, que j'étais loin de vous trouver. Chapitre 3. Faustus. Aveuglement des philosophes. Je vais parler, en présence de mon Dieu, de la 29e année de mon âge. Il y avait alors à Carthage un évêque manichéen, nommé Faustus, grand lacet du diable, qui avait fait tomber plusieurs à l'appât de son éloquence. Tout en l'admirant, je savais néanmoins la distinguer des vérités que j'étais avide d'apprendre, et je regardais moins au vase du discours, qu'au mets de science que ce célèbre Faustus servait à mon esprit. car sa réputation me l'avait annoncé comme riche en savoir et profond dans les sciences libérales. Et comme j'avais lu un grand nombre de philosophes, et retenu leurs doctrines, j'en comparais quelques-unes avec celles longues rêveries des manichéens, et je trouvais plus de probabilité aux sentiments de ceux qui ont pu pénétrer dans l'économie du monde, quoiqu'il n'en ait jamais trouvé le maître. Sagesse 13, 1. Car vous êtes grand, Seigneur, vous approchez votre regard des abaissements et vous l'éloignez des hauteurs. Psaume 137, 6. Vous ne vous découvrez qu'au cœur contrit, et vous êtes impénétrable aux superbes, leur curieuse industrie sue. Elle d'ailleurs le compte des étoiles et des grains de sable, la mesure de l'étendue céleste, eût-elle exploré la route des astres. C'est par leur esprit, c'est par le génie que vous leur avez donné, qu'ils cherchent ces secrets, ils en découvrent beaucoup, ils annoncent plusieurs années d'avance les éclipses de soleil et de lune, et le jour, et l'heure, et le degré. Et leur calcul ne les trompe pas, et il arrive selon leurs prédictions. Et ils ont écrit les lois de leur découverte qu'on lit encore aujourd'hui, et qui servent à prédire quelle année, quel mois de l'année, quel jour du mois, quelle heure du jour, en quel point de son disque la lune ou le soleil doit subir une éclipse, et il arrivera comme il est prédit. Et les hommes admirent, les ignorants sont dans la stupeur, et les savants se glorifient et s'élèvent. Et, dans leur superbe impie, ils se retirent de votre lumière, infaillible prophète des éclipses du soleil, ils ne se doutent pas de celles qu'ils souffrent même à cette heure. Ils ne recherchent pas avec une pieuse reconnaissance de qui ils tiennent ce génie de recherche. Et s'ils vous découvrent comme leur auteur, ils ne se donnent pas à vous, pour que vous conserviez votre ouvrage, et ils ne vous immolent pas l'homme qu'ils ont fait en eux, ils ne vous offrent en sacrifice ni ces oiseaux de leur téméraire pensée, ni ces monstres de leur curiosité qui leur font une voie secrète aux profondeurs de l'abîme, ni ces boucs de leurs impudicités, afin que votre feu, Seigneur, dévore toute cette mort palpitante, et les engendre à l'immortalité. Mais ils ne savent pas la voix, votre verbe, par qui vous avez fait tous les objets qui nombrent, et eux-mêmes qui les nombrent, et le sens qui leur découvre ce qu'ils nombrent, et l'esprit qui leur donne la capacité de nombrer. Votre sagesse seule exclut le nombre, Psaume 146, 5. Et votre Fils unique s'est fait notre sagesse, notre justice et notre sanctification. 1 Corinthiens 1, 30. Il a été nombré parmi nous, il a payé le tribut à César. Matthieu 22, 21. Oh, ils ne savent pas cette voie qui fait descendre de soi-même vers lui, pour monter par lui jusqu'à lui. Ils ne savent pas cette voie, et ils se croient élevés et rayonnants comme les astres, et les voilà froissés contre terre, et les ténèbres ont envahi la folie de leur cœur. Romains 1, 21. Ils disent sur la créature beaucoup de vérité, et ils ne cherchent pas avec piété la vérité créatrice, c'est pourquoi ils ne la trouvent pas, ou s'ils la trouvent, ils la reconnaissent pour Dieu, sans l'honorer comme Dieu, sans lui rendre grâce, mais ils se dissipent dans la vanité de leurs pensées, et ils se disent sages en s'appropriant ce qui est à vous, et, en retour, leur aveugle perversité vous attribue ce qui leur appartient. Ils vous chargent de leurs mensonges, vous qui êtes la vérité. Ils transforment la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance et l'image de l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des serpents. Ils changent votre vérité en mensonge, ils adorent et servent la créature de préférence au Créateur. Romains 21 à 25. Ces hommes, néanmoins, m'avaient révélé beaucoup de vérités naturelles, et j'en saisissais la raison par l'ordre et le calcul des temps, par les visibles témoignages des astres, et je comparais ces observations au discours de Manet qui a écrit sur ce sujet de longues extravagances où je ne trouvais la raison ni des solstices, ni des équinoxes, ni des éclipses, ni d'aucun phénomène dont la philosophie du siècle avait su m'informer. Et j'étais tenu de croire à des rêveries en désaccord parfait avec les règles mathématiques et l'observation de mes yeux. Chapitre 4. Malheur à la science qui ignore Dieu. Seigneur, Dieu de vérité, vous plaît-il celui qui sait tout cela? Malheureux qui le sait et vous ignore, heureux qui l'ignore et vous connaît. Et celui qui a cette double science n'est heureux que par vous seul, si, vous connaissant, il vous glorifie comme Dieu, s'il vous rend hommage, s'il ne se dissipe pas dans la vanité de ses pensées. Mieux vaut celui qui sait posséder un arbre et vous rendre grâce de ses fruits, sans savoir la hauteur de sa tige et l'étendue de ses branches, que celui qui sait la mesure des rameaux et le compte des feuilles, sans en jouir, sans en connaître, sans en aimer le Créateur. Ainsi, le fidèle a se monte pour trésor, tout ce qu'il renonce, il le retrouve en vous, ô souverain de l'univers et quoi qu'il ignore la marche de l'étoile polaire, n'est ce pas folie de mettre en doute la supériorité de cet humble croyant sur cet arpenteur du ciel, ce calculateur des étoiles, ce peseur des éléments, qui vous néglige, vous l'ordonnateur de toutes choses selon la mesure, le nombre et le poids. Sagesse 11, 21. Chapitre 5. Folie de Manès. Et qui demandait à un Manet d'écrire sur des sujets entièrement étrangers à la science de la piété? Vous avez dit à l'homme, voici la science, c'est la piété. Job 28, 28, selon les 7. Science qu'il eût pu ignorer en possédant la science humaine, et celle-là même lui manquait, et il avait l'impudence d'enseigner ce qu'il ignorait. Pouvait-il donc être initié à la science des saints? C'est vanité que de professer les connaissances que l'on possède dans l'ordre naturel, c'est piété que de confesser votre nom. Aussi a-t-il été permis à cet homme de multiplier ses divagations scientifiques, afin que son ignorance, évidente aux yeux des vrais savants, fît apprécier la valeur de ses opinions sur les choses cachées. Il ne voulait pas qu'on fît médiocre état de lui, cherchant même à faire croire que le Consolateur, l'Esprit Saint, qui prodigue à vos fidèles sa céleste opulence, résidait personnellement en lui, dans toute la plénitude de son autorité. Aussi, toutefois qu'on le surprend en flagrante erreur au sujet du ciel, des étoiles, des mouvements du soleil et de la lune, quoique la doctrine de la religion n'y soit nullement intéressée, son outrecuidance n'en paraît pas moins sacrilège, car il ne débite pas seulement l'ignorance, mais le mensonge, avec un tel délire d'orgueil, qu'il voudrait autoriser ses discours par la prétendue divinité de sa personne. Qu'un de mes frères en Jésus-Christ soit, à l'égard de ses connaissances, dans l'ignorance ou l'erreur, je prends ses opinions en patience. Rien n'y fait obstacle à son avancement, son ignorance de la situation et de l'état d'une créature corporelle ne lui donne aucun sentiment indigne de vous, Seigneur, Créateur de toutes choses. Mais elle lui devient funeste, s'il l'identifie avec les doctrines essentielles de la piété, et s'il s'obstine à affirmer ce qu'il ignore. Cette faible enfance au berceau de la foi, trouve dans la charité une mère qui la soutient, jusqu'à ce que le nouvel homme s'élève à cette perfection virile, qui cesse de flotter à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, 13, 14. Et ce docteur, ce guide, ce maître, ce souverain, assez hardi pour persuader à ses disciples que ce n'était pas un homme, mais votre Esprit Saint qu'il suivait en lui, qui ne le tiendrait pour un insensé, dont la folie, convaincue d'imposture, ne mérite que haine et mépris. Cependant je n'étais pas encore assuré que l'on ne pût expliquer selon sa doctrine les vicissitudes de la durée des jours et des nuits, l'alternative elle-même de la nuit et du jour, les défaillances des astres, et les autres phénomènes que mes lectures m'avaient présentés, en sorte que, dans les points, douteux et de complète incertitude, ma foi en sa sainteté inclinait ma créance à son autorité. Chapitre 6. Éloquence de Faustus et son ignorance. Et pendant ces 9 années où mon esprit s'égarait à les suivre, j'attendais avec impatience la venue de ce Faustus, car ceux de la secte que j'y avais rencontrés jusqu'alors, et qui tous manquaient de réponse à mes objections, me l'annonçaient comme devant, dès l'abord et au premier entretien, me donnaient facile solution de ces difficultés, et de plus graves encore, qui pourraient inquiéter ma pensée. Il vint, et je vis un homme doux, de paroles agréables, et gazouillant les mêmes contes avec beaucoup plus de charme qu'aucun d'eux. Mais que faisait à ma soif toute la bonne grâce d'un échanson qui ne m'offrait que de précieux vases? Mon oreille était déjà rassasiée de ses discours, il ne me semblait pas plus solide pour être éloquent, ni plus vrai pour être plus poli. Et je ne jugeais pas de la sagesse de son âme à la convenance de sa physionomie et aux grâces de son élocution. Ceux qui me l'avaient vanté étaient de mauvais juges, qui ne l'estimaient docte et sage que parce qu'il cédait au charme de sa parole. J'ai connu une autre espèce d'homme à qui la vérité même est suspecte, et qui refuse de s'y rendre quand elle est proposée en beaux termes. Mais déjà, mon Dieu, vous m'aviez enseigné par des voies admirables et secrètes, et je crois que je tiens de vous cet enseignement, parce qu'il est vrai, et que nul autre que vous n'enseigne la vérité, où et d'où qu'elle vienne. J'avais donc appris de vous que ce n'est point raison qu'une chose semble vraie pour être dite avec éloquence, ni fausse parce que les sons s'élancent des lèvres sans harmonie, ni au rebours. Qu'une chose soit vraie par là même qu'elle est énoncée sans politesse, ni fausse parce qu'elle est vêtue de brillantes paroles, mais qu'il en est de ta sagesse et de la folie comme d'aliments bons ou mauvais, et des expressions comme de vases d'or et d'argile où ces aliments peuvent être indifféremment servis. Le vif désir que j'avais eu si longtemps de voir cet homme trouvait quelque satisfaction dans le mouvement et la vivacité de ses discours, dans la propriété de son langage, qui se pliait comme un vêtement à sa pensée. J'admirais cette éloquence avec plusieurs, et je la publiais plus haut que nul autre, mais je souffrais avec peine que son nombreux auditoire ne me permît pas de lui proposer mes doutes, de lui communiquer les perplexités de ma pensée en conférence familière, dans un libre entretien. Je pris toutefois l'occasion en temps et lieu convenable, en compagnie de mes intimes amis, et je lui dérobai une audience. Je lui proposai plusieurs questions qui m'embarrassaient, et je m'assurai bientôt qu'étranger à toutes les sciences, il n'avait même de la grammaire qu'une connaissance assez vulgaire. Il avait lu quelques discours de Cicéron, certains passages de Sénèque, quelques tirades de poésie, et ce qu'il avait trouvé dans les écrivains de sa secte de plus élégant et de plus pur. L'exercice journalier de la parole lui avait donné cette facilité d'élocution, qu'une certaine mesure dans l'esprit, accompagnée de grâce naturelle, rendait plus agréable et plus propre à séduire. N'est-ce pas la vérité, Seigneur mon Dieu, arbitre de ma conscience? Vous voyez à nu mon cœur et ma mémoire, ô vous qui déjà me conduisiez par les plus secrètes voies de votre providence, et présentiez à ma face la laideur de mes égarements, pour que leur vue m'en donnât la haine. Chapitre 7. Il se dégoûte des doctrines manichéennes. Aussitôt que son incapacité dans les sciences où j'avais cru qu'il excellait, me parut évidente, je désespérais de lui pour éclaircir et résoudre mes doutes sur des questions dont l'ignorance l'eût laissé dans la vérité de la piété, s'il n'eût pas été manichéen. Les livres de cette secte sont remplis de contes interminables sur le ciel, les astres, le soleil, la lune, et, les ayant comparés aux calculs astronomiques que j'avais lus ailleurs, pour juger si les raisons manichéennes valaient mieux ou autant que les autres, je n'attendais plus de Faustu aucune explication satisfaisante. Je soumis toutefois mes difficultés à son examen, mais il se refusa avec autant de prudence que de modestie à soulever ce fardeau. Il connaissait son insuffisance et ne rougit pas de l'avouer. Il n'était point de ces parleurs que j'avais souvent essuyés, qui, en voulant m'instruire, ne me disaient rien, le cœur ne manquait point à cet homme, et s'il n'était dans la rectitude devant vous, il ne laissait pas d'être en garde sur lui-même. N'ignorant point entièrement son ignorance, il ne voulut pas s'engager par une discussion téméraire, dans un défilé sans issue, sans possibilité de retour. Cette franchise me le rendit encore plus aimable. La modeste confession de l'esprit est plus belle que la science même que je poursuivais, et, en toute question difficile ou subtile, il n'en fit jamais autrement. Ainsi, mon zèle pour les doctrines manichéennes se ralentit. Désespérant de plus en plus de leurs autres docteurs, à l'insuffisance du plus renommé d'entre eux, je bornai mes rapports avec lui à des entretiens sur l'art oratoire dont il était épris, et que j'enseignais aux jeunes gens de Carthage, à des lectures dont il était curieux par ouï-dire, ou que je jugeais conforme à la tournure de son esprit. Tout effort d'ailleurs pour avancer dans cette secte cessa de ma part, sitôt que je connus cet homme. Je n'en vins pas toutefois à rompre avec eux, mais je me résignai provisoirement, faute de mieux, à rester là où je m'étais jeté en aveugle, attendant qu'une lumière nouvelle déterminât un meilleur choix. Ainsi, ce Faustu, qui avait été pour plusieurs un lacet mortel, relâchait déjà, à son insu et sans le vouloir, les nœuds où j'étais pris. Vos mains, ô mon Dieu, actives dans le secret de votre providence, n'abandonnez pas mon âme, et les larmes de ma mère, ce sang de son cœur qui coulait nuit et jour, montez vers vous en sacrifice pour moi. Telle a été votre conduite à mon égard, admirable et cachée. Oui, votre conduite, ô mon Dieu. Car c'est le Seigneur, qui dirige les pas de l'homme, et l'homme désirera sa voix. Psaume 36, 23. Et qui peut procurer le salut, que la main toute puissante qui refait ce qu'elle a fait? Chapitre 8. Il va à Rome malgré sa mère. C'est donc par un ordre inconnu de votre providence, qu'il me fut persuadé d'aller à Rome, pour y enseigner la rhétorique plutôt, qu'à Carthage. Et d'où me vint cette persuasion, je ne manquerai pas de vous le confesser, parce qu'ici les abîmes de vos secrets, et la présence permanente de votre miséricorde sur nous, se découvre à ma pensée et sollicite mes louanges. Je ne me laissais pas conduire à Rome par l'espoir que m'y promettaient mes amis, de considération et d'avantages plus grands, quoique de telles raisons fussent alors toutes puissantes sur mon esprit, mais la plus forte, la seule même qui me décida, c'est que j'avais ouï dire que la jeunesse y était plus studieuse, plus patiente de l'ordre et de la répression, qu'un maître n'y voyait jamais sa classe insolemment envahie par des disciples étrangers à ses leçons, et qu'on ne pouvait même y être admis que sur sa permission. Or, rien n'est comparable à la honteuse et brutale licence des écoliers de Carthage. Ils forcent l'entrée des cours avec fureur et leur démence effronte et bouleverse l'ordre que chaque maître y établit dans l'intérêt de ses disciples. Ils commettent, avec une impudente stupidité, mille insolences que la loi devrait punir, si elle ne comptait sur le patronage de la coutume. Malheureux, qui font, comme licite, ce qui sera toujours illicite devant votre loi éternelle, qui croient à l'impunité, déjà punis par leur cécité morale, et souffrant incomparablement plus qu'ils ne font souffrir. Ces brutales habitudes dont, écolier, j'avais su me préserver, maître, j'étais contraint de les endurer. Voilà ce qui m'attirait où un témoignage unanime m'assurait qu'il ne se passait rien de semblable. Mais vous, mon espérance et mon héritage dans la terre des vivants, psaume 141, 6, vous m'inspiriez ce désir de migration pour le salut de mon âme, vous prêtiez des épines à Carthage pour m'en arracher, des charmes à Rome pour m'y attirer. Et cela par l'entremise de ces hommes, amateurs de cette mort vivante, les uns m'étalant leurs insolences, les autres leurs vaines promesses, et, afin de redresser mes pas, vous vous serviez en secret de leur malice et de la mienne. Ces perturbateurs de mon repos étaient possédés d'une aveugle frénésie, ces auteurs de mes espérances n'avaient de goût que pour la terre, et moi, qui détestait à Carthage une réalité de misère, je poursuivais à Rome un mensonge de félicité. Mais pourquoi sortir d'ici et aller là, vous le saviez, mon Dieu, sans m'en instruire, sans en instruire ma mère, à qui mon départ déchira l'âme, et qui me suivit jusqu'à la mer. Elle s'attachait à moi avec force, pour me retenir ou pour me suivre, et je la trompais, ne témoignant d'autre dessein que celui d'accompagner un ami prêt à faire voile au premier vent favorable. Et je mentis à ma mère, et à quelle mère ai-je pris la fuite? Vous m'avez pardonné dans votre miséricorde, vile et souillée, vous m'avez préservé des eaux de la mer, pour m'amener à l'eau de votre grâce, qui, en me purifiant, devait sécher ces torrents de larmes dont ma mère marquait chaque jour la place des prières qu'elle versait pour moi. Et comme elle refusait de s'en retourner sans moi, je lui persuadai, non sans peine, de passer la nuit dans un monument dédié à Saint Cyprien, non loin du vaisseau. Cette même nuit, je partis à la dérobée, et elle demeura à prier et à pleurer. Et que vous demandait-elle, mon Dieu, avec tant de larmes de ne pas permettre mon voyage? Mais vous, dans la hauteur de vos conseils, touchant au ressort le plus vif de ses désirs, vous n'avez tenu compte de sa prière d'un jour, pour faire de moi selon sa prière de chaque jour. Le vent souffla, il emplit nos voiles, et déroba le rivage à nos regards. Elle vint le matin au bord de la mer, folle de douleur, remplissant de ses plaintes, et de ses cris votre oreille inexorable à ce désespoir. Et vous m'entraîniez par la main de mes passions, où je devais en finir avec elle, et votre justice meurtrissait du fouet de la douleur sa charnelle tendresse. Elle est même à présent auprès d'elle, comme une mère, et plus que beaucoup de mères, et elle ne savait pas tout ce que vous lui apprêtiez de joie par cette absence. Elle ne le savait pas. Et de là, ses pleurs, ses sanglots, ces angoisses qui accusaient un reste de l'hérédité coupable d'Ève. Elle cherchait en pleurant ce qu'elle avait enfanté dans les pleurs. Mais après s'être répandue en plainte sur ma fraude et ma cruauté, elle se remit à vous prier pour moi, rentra dans son intérieur, tandis que je voguais vers Rome. Chapitre 9. Il tombe malade, prière de sa mère. Et une maladie, terrible châtiment du corps, m'y attendait, et déjà je m'acheminais vers l'enfer, chargé de tout ce que j'avais commis de crime contre vous, contre moi, contre les autres. Fardeau sinistre qui aggravait encore ce lien, d'iniquité originelle, qui nous fait tous mourir en Adam. Vous ne m'en aviez encore remis aucun en Jésus-Christ, et sa croix n'avait pas encore rompu ce contrat d'inimitié que mes péchés avaient formé entre vous et moi. Et l'eût-il rompu avec ce fantôme de croix que je rêvais? Aussi fausse que me semblait la mort de sa chair, aussi véritable était celle de mon âme, et aussi vraie qu'était la mort de sa chair, aussi fausse était la vie de mon âme qui se refusait à cette créance. Et la fièvre redoublait, et je m'en allais, et je périssais. Où pouvais-je aller, en m'en allant ainsi, sinon supplice du feu, à des tourments dignes de mes œuvres, selon l'ordre de votre vérité? Et elle ne le savait pas, et elle priait pour moi, loin de moi. Mais vous, partout présent, où elle était, vous l'écoutiez, et où j'étais, vous aviez pitié de moi, et vous me rendiez la santé du corps quand ce cœur sacrilège était encore malade. Car, dans ce péril extrême, je ne songeais pas au baptême, enfant, j'étais bien meilleur, alors que je le demandais à la piété de ma mère, ainsi que mon souvenir vous l'a confessé. Mais j'avais grandi pour ma honte, et je riais, dans ma folie, des conseils du médecin céleste qui ne m'a pas permis de mourir ainsi d'une double mort. Cette blessure au cœur de ma mère eût été incurable. Non, je ne puis dire tout ce qu'elle avait d'âme pour moi, et combien plus de souffrance lui coûtait le fils de son esprit que l'enfant de sa chair. Oh non, je ne sais pas comment elle guérit, si ma mort, et une telle mort, eût traversé les entrailles de son amour. Et où pouvaient aller tant de prières, vives, fréquentes, continuelles, nulles part qu'à vous? Et vous, Dieu des miséricordes, eussiez-vous méprisé le cœur contrit et humilié d'une veuve chaste, sobre, exacte à l'aumône, rendant tout hommage et tout devoir à vos saints, ne laissant passer aucun jour sans participer à l'offrande de votre autel, soir et matin, assidu à votre église, non pour engager de vaines causeries avec les vieilles, mais pour vous entendre dans vos paroles, pour être entendu de vous dans ses prières? Et ses larmes, qui ne vous demandaient ni or, ni argent, aucun bien passager ou périssable, mais le salut de l'âme de son fils, auriez-vous pu les mépriser? Auriez-vous donc rebuté celle que votre grâce faisait votre suppliante? Oh non, Seigneur, vous lui étiez présent, vous l'entendiez, vous agissiez dans l'ordre de votre prédestination immuable. Loin, loin de moi ce doute impie que vous puissiez la tromper par ses visions, par ses réponses, dont j'ai rappelé les unes, omis les autres qu'elle gardait toutes dans la foi de son cœur, et que sa prière vous représentait sans cesse comme des billets souscrits de votre sang. Miséricorde infinie, vous remettez leur dette à vous, débiteurs, Et vous voulez bien pourtant les reconnaître pour créanciers de vos promesses. Chapitre 10. Il s'éloigne du manichéisme, dont il retient encore plus d'une erreur. Vous m'avez donc rétabli de cette maladie et vous avez sauvé le fils de votre servant dans ce corps d'un jour, pour avoir à lui rendre une santé plus précieuse et plus sûre. Et je conservais, à Rome, des liaisons avec ces saints trompés et trompeurs, et non seulement avec les auditeurs dont faisait partie l'hôte de ma maladie et de ma convalescence, mais aussi avec les élus. Je croyais encore que ce n'est pas nous qui péchons, mais je ne sais quelle nature étrangère qui pêche en nous, et il plaisait à mon orgueil d'être en dehors du péché, et en faisant le mal, de ne pas m'en reconnaître coupable devant vous pour obtenir de votre miséricorde la guérison de mon âme, et j'aimais à l'excuser en accusant je ne sais quel autre qui était en moi, sans être moi. Et pourtant le tout était moi, et mon impiété seule m'avait divisé contre moi-même, et c'était là le péché, le plus incurable, de ne me croire point pécheur, et mon exécrable iniquité préférait, ô Dieu Tout-Puissant, votre défaite en moi, pour ma ruine, à votre victoire sur moi pour mon salut. Vous n'aviez donc pas encore placé la sentinelle, à l'entrée de ma bouche, et la porte de circonspection autour de mes lèvres, afin que mon cœur ne se laissât pas glisser aux paroles de malice pour excuser ses crimes, à l'exemple des artisans d'iniquité. Psaume 143:4. C'est pourquoi je vivais encore avec leurs élus, et toutefois sans espoir de rien acquérir désormais dans cette doctrine, et attendant mieux, je m'y tenais toujours, mais avec plus de tiédeur et d'indifférence. Il me vint même à l'esprit que les philosophes, dix académiciens, avaient été plus sages que les autres en soutenant qu'il faut douter de tout, et que l'homme n'est capable d'aucune vérité. Je pensais, selon l'opinion commune, que telle était leur doctrine, dont alors je ne pénétrais pas le vrai sens. Je ne me fis donc pas scrupule d'ébranler la trop grande confiance de mon âme dans les fables qui remplissent les livres manichéens. Je ne laissais pas toutefois d'entretenir avec ces hérétiques des relations plus familières qu'avec les autres hommes, et quoique moins ardente à la défense de leurs opinions, mon intimité avec eux, car Rome en recèle un grand nombre, ralentissait l'ardeur de mes recherches, alors surtout que je désespérais, ô Dieu du ciel et de la terre, créateur du visible et de l'invisible, de trouver dans votre Église la vérité dont ils m'avaient détourné. Il me semblait si honteux de vous supposer notre figure charnelle, et nos membres avec les limites de leurs contours. Et comme, en voulant me représenter mon Dieu, ma pensée s'attachait toujours à une masse corporelle, rien à mes yeux ne pouvait être sans être ainsi, la principale, ou plutôt la seule et invincible cause de mes erreurs était là. Et de là, cette croyance insensée que le mal avait une substance corporelle, masse terreuse, difformité pesante, qu'ils appelaient terre, et une autre subtile et déliée, comme le corps de l'air, esprit de malice infiltré, suivant eux, dans ce monde élémentaire. Et un reste de piété quelconque me défendant de croire qu'un Dieu bon eût créé aucune nature mauvaise, j'établissais de nature contraire et antagoniste, infinie, toutes deux, mais celle du bien plus infinie que celle du mal. Et de ce principe de corruption découlaient tous mes blasphèmes. Mon esprit faisait-il effort pour recourir à la foi catholique, j'étais repoussé, car la foi catholique n'était pas ce que je la supposais, et je me trouvais plus religieux, ô Dieu, à qui vos miséricordes sur moi rend témoignage. De vous croire infini de toutes parts, sauf le point où le principe mauvais en lutte contre vous me forçait à vous reconnaître une limite, que de vous tenir pour borné, aux formes du corps humain. Et mieux valait, selon moi, croire que vous n'avez point créé le mal dont mon ignorance faisait non seulement une substance, mais une substance corporelle, ne pouvant se figurer l'esprit autrement que comme un corps subtil répandu dans l'espace, que de vous prendre pour l'auteur de ce qui me paraissait la nature du mal. Notre Sauveur lui-même, votre Fils unique, je le regardais comme une extension émanée de votre étendue lumineuse pour notre salut, en sorte que je ne croyais de lui que le néant que j'imaginais. Aussi, lui attribuant cette substance, je m'assurais qu'elle ne pouvait naître de la Vierge Marie qu'en se mêlant à la chair et je ne pouvais admettre ce mélange sans souillure d'un être de ma fantaisie. Je craignais donc, en le croyant né dans la chair, d'être conduit à le croire souillé par la chair. Que, vos enfants en esprit se rient de moi avec douceur et amour. S'ils viennent à lire ces confessions mes enfants, tel j'étais alors. Chapitre 11. Ridicule réponse des manichéens. Je ne pensais pas d'ailleurs qu'il fût possible de défendre ce qu'ils attaquaient dans vos écritures, mais néanmoins je désirais parfois en conférer en détail avec quelques docteurs profondément versés dans l'intelligence des saints livres, et voir ce qu'ils en penseraient. Déjà même, à Carthage, j'avais été touché des discours d'un certain Elpidius, qui, dans des conférences publiques contre les manichéens, les pressait par certains passages de l'Écriture, dont il paraissait fort embarrassé, car il craignait d'avancer en public leurs réponses, qu'ils nous communiquaient en secret, à savoir, que les livres du Nouveau Testament avaient été falsifiés par je ne sais quel juif, qui voulait enter la loi juive sur la foi chrétienne, mais ils ne représentaient eux-mêmes aucun exemplaire authentique. Pour moi, envahi, étouffé par ces pensées matérielles, qui affaissaient sous leur poids mon esprit haletant, je ne pouvais plus respirer l'air pur et vif de votre vérité. Chapitre 12. Déloyauté de la jeunesse romaine. Déjà je remplissais avec zèle l'intention de mon voyage à Rome, j'enseignais la rhétorique à quelques jeunes gens réunis chez moi, dont j'étais connu, et qui me faisaient connaître. Oh voici que j'apprends qu'il se pratique à Rome certaines choses, inouïes en Afrique. On n'y voit, il est vrai, aucune de ces violences ordinaires à l'impudente jeunesse de Carthage, mais il s'y fait, me dit-on, entre jeunes gens, de soudains complots pour frauder leur maître de sa récompense, et ils passent chez un autre, transfuge avare de la bonne foi et de l'équité, et je me sentais plein de haine pour ces âmes viles, mais cette haine n'était pas légitime, car c'était peut-être le préjudice que j'en devais souffrir, plutôt que l'iniquité même de leur action, qui la soulevait. Et néanmoins elles sont bien hideuses ces âmes infidèles, prostituées à l'amour des frivoles et jouets du temps, et de ce trésor de boue dont la prise souille la main, dans les embrassements de ce monde éphémère, elles méprisent votre clémence éternelle, qui nous rappelle, qui pardonne à l'épouse adultère aussitôt qu'elle revient à vous. Et je hais encore aujourd'hui ces hommes de honte et de difformité, quoique je les aime en vue de leur correction, afin qu'ils préfèrent à l'argent la science qu'on leur enseigne, et qu'ils vous préfèrent à la science, ô Dieu, vérité, félicité inaltérable, paix des âmes pures. Mais alors mon intérêt me donnait plus de haine contre leur perversité, que le vôtre ne m'inspirait de désir pour leur amendement. Chapitre 13. Il se rend à Milan pour y enseigner la rhétorique. Saint Ambroise. On demanda de Milan au préfet de Rome un maître de rhétorique pour cette ville, qui s'engageait même à faire les frais du voyage, et je sollicitai cet emploi par des amis infatués de toutes les erreurs manichéennes, dont, à leur insu comme au mien, mon départ allait me délivrer. Un sujet proposé fit goûter mon éloquence au préfet Symmaque, qui m'envoya. À Milan, j'allais trouver l'évêque Ambroise, connu partout comme l'une des plus grandes âmes du monde, et votre pieux serviteur. Son zèle éloquent distribuait alors à votre peuple la pure substance de votre froment, la joie de vos huiles, la sobre intempérance de votre vin. Aveugle, votre main me menait à lui, pour qu'il me menât à vous, les yeux ouverts. Cet homme de Dieu m'accueillit comme un père, et se réjouit de ma venue avec la charité d'un évêque. Et je me pris à l'aimer, et ce n'était pas d'abord le docteur de la vérité. J'avais perdu tout espoir de la trouver dans votre église, mais l'homme bienveillant pour moi que j'aimais en lui. J'étais assidu à ses instructions publiques, non avec l'intention requise, mais pour m'assurer si le fleuve de son éloquence répondait à sa réputation, si la renommée en exagérait ou resserrait le cours, et je demeurais suspendu aux formes de sa parole, insouciant et dédaigneux du fond, et j'étais flatté de la douceur de ses discours, plus savants, avec moins de charme et de séduction que ceux de Faustu. Je parle selon l'art des rhéteurs. Pour le sens, nulle comparaison. L'un s'égarait dans les mensonges de Manet, l'autre enseignait la plus saine doctrine du salut, mais le salon est loin des pécheurs, tel que j'étais alors, et cependant j'en approchais peu à peu, sans le savoir. Chapitre 14. Ils rompent avec les manichéens, et demeurent catéchumènes dans l'église. Indifférent à la vérité, je n'étais attentif qu'à l'art de ses discours. Et, en moi, ce vain souci avait survécu, l'espoir que la voie qui mène à vous fût ouverte à l'homme. Toutefois, les paroles que j'aimais amenaient à mon esprit les choses elles-mêmes dont j'étais insouciant. Elles étaient inséparables, et mon cœur ne pouvait s'ouvrir à l'éloquence, sans que la vérité y entrât de compagnie, par degrés néanmoins. Je vis d'abord que tout ce qu'il avançait pouvait se défendre, et la foi catholique s'affirmait sans témérité contre les attaques des manichéens, que j'avais cru jusqu'alors irrésistibles. Je fus surtout ébranlé, à l'entendre résoudre suivant l'esprit plusieurs passages obscurs de l'Ancien Testament, dont l'interprétation littérale me donnait la mort. Éclairé par l'exposition du sens spirituel, je réprouvais déjà ce découragement qui m'avait fait croire impossible toute résistance aux ennemis, aux moqueurs de la loi et des prophètes. Toutefois, je ne me croyais pas tenu d'entrer dans la voie du catholicisme, parce qu'il pouvait avoir aussi de doctes et éloquents défenseurs, ni de condamner le parti que j'avais embrassé, parce que la défense lui présentait des armes égales. Ainsi la foi catholique cessant de me paraître vaincue, ne se levait pas encore victorieuse devant moi. J'employais tous les ressorts de mon esprit à la découverte de quelques raisons décisives pour convaincre de fausseté les opinions manichéennes. Si mon esprit eût pu se représenter une substance spirituelle, il eût brisé tous ces jouets d'erreur et les eût balayés de mon imagination, mais je ne pouvais. Néanmoins, quant à ce monde extérieur, domaine de nos sens charnels, je trouvais beaucoup plus de probabilité dans les sentiments de la plupart des philosophes, et de sérieuses réflexions, des comparaisons réitérées, appuyaient ce jugement. Ainsi doutant de tout, suivant les maximes présumées de l'académie, et flottant à toute incertitude, je résolus de quitter les manichéens, ne croyant pas devoir, dans cette crise d'irrésolution, rester attaché à une secte qui déjà cédait dans mon estime à telle école philosophique. Mais à ces philosophes, vides du nom rédempteur de Jésus, je refusais de remettre la cure des langueurs de mon âme. Je me décidai donc à demeurer catéchumène dans l'église catholique, l'église de mon père et de ma mère, en attendant un phare de certitude pour diriger ma course. Mark Emdan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.